another song for the girl them. I'm in love with the ladies. Fake y'all is me upon them. Alright them. Say you never cookie and I can work, work, work. That's a busy a booty shake, shake, shake from. And the body a mini short, short, short. Everything's good on the back shot. Y'all wind up your bumper, wind up your bumper, wind up your bumper. Feel in, y'all not take about young, y'all not take about it. I care about star, y'all not take about it. Y'all know from Jean la sac à péter, monsieur ça pas à dans les noms. Ou doit ta fesse pour ou de ka travail pour le fond. Qui ça ou ka manger, et c'est pas que la haut des con. Ou bien cautison, bref, on pas qu'à comprendre. Si you te yomo tout longtemps, y'a déjà fait scum. Qu'on est yon chan, crier la belle abelance. Ou de ta mélan, mélance, y'a tout petit cousin Beyoncé. Y'a se y'a même qu'on qui y'a n'a qu'à work, work, work. Qu'a se fils y'a fait bouti shake, shake, shake from. Qu'a de body y'a mini short, short, short. Everything's good on the bad shot. Y'all wind up your bumper, wind up your bumper, wind up your bumper. Feel in, y'all not take about young, y'all not take about it. I care about star, y'all not take about it. Y'all dem ou bad, y'all dem ou sexy. Kase tête la, champagne pi whisky. L'ani femme ka vini, toujours l'ani femme ki flip. Y'a ki red machine, ka revi VIP. Yes, dem a ta dan fire, you know me a real girlist. Fort France, Paris, Cayenne, put up it. Everywhere me go, you already know. Me love the way you whine, me love the way you whine. Just say you let me go, girl, and I can work, work, work. Just say fizzy, you feel booty shake, shake, shake from. And the body, you need me short, short, short. Everything's good on the back shot. Girl, wind up your bumper, wind up your bumper, wind up your bumper. Feel me, girl, and take about young, you don't take about it. I take about star, girl, and take about it. Jean la sac à péter, monsieur ça pas à dans les normes. Ou doit ta fesse pour ou de ta travail pour le forme. Qui ça ou ka manger, et c'est pas que la haut des con. Ou bien cautison, bref, on pas qu'à comprendre. Si nous tous sommes pour longtemps, on déjà fesse. Qu'on est young, chan, crié la belle abelance. Ou de ta mélan, mélance, ya. Ou de tes cousines, Beyoncé, bébé. Y'a se y'a l'aime qu'on qui y'a n'a qu'à work, work, work. Qu'a se